Mardi 2 avril 2013, on le croirait pas, mais bon, et oui, nous sommes en avril, Julie Gagné avec vous pour l'aérospatiale, bonjour. Donc aujourd'hui à l'émission, je me suis désemparée avec mon commentaire sur la météo. Aujourd'hui à l'émission, on va faire un tour à Lévis pour voir l'exposition « Chair et vérité à regard », une exposition de Dominique Papillon. Catherine Boivin nous amène voir l'exposition « Quand l'art se prête au jeu » à la maison Amel Bruneau. On avait discuté avec la commissaire Viviane Paradis. Maintenant, on aura le regard de Catherine. Thierry Arcan-Bossé vient nous parler de son exposition « Une trail dans le nowhere » qui est présentée à la galerie La Certe, qui est en prolongation jusqu'au 7 avril. Raymond Poirier nous fera sa revue de presse et, bien entendu, Simon Roy nous a fait une sélection audio. Bonjour, Simon. Bonjour, Julie. Ça va bien? Très bien. Et qu'est-ce qu'on écoute cette semaine? Une belle collaboration. C'est deux artistes. Il s'agit d'abord de Ayato et Kekap Toyoul. Les deux nous viennent de la France. Ils bidouillent un peu avec des guitares préparées, un peu comme John Cage avec ses pianos. Donc, c'est des guitares qui ont toutes sortes de trucs dessus pour produire des sons qui sont pas supposés de faire. Ils jouent un peu aussi avec les effets. Il y a un peu de field recording au travers de ça. Ça donne un album assez mystérieux. Il y a un genre de thème nautique au travers de ça. Puis je trouve qu'il y a même une petite touche de post-rock vraiment étrange comme album. L'album s'intitule Xylophonium Algosis. C'est sur l'étiquette française Egocide Production. Une étiquette qui se spécialise sur le thème de l'échec. Donc, il demande aux artistes de se péter la fiole, finalement. Puis, ça donne toujours des résultats vraiment, vraiment intéressants. J'adore ce que l'étiquette a proposé. Donc, une belle découverte cette semaine. On va débuter avec la pièce « Nowhere is not so far away ». Donc, je vous laisse là-dessus. Et voilà. Et Web Music fait une pause en fin de semaine, Simon, puisque c'est le Radioton. Ben oui, c'est une grosse fin de semaine de radio. On va courir partout. On va faire une belle fin de semaine de radio. Donc, on revient la semaine d'après pour une autre émission de Web Music. Et voilà. Ben merci, Simon. Merci. On s'en va en pause audio. On écoute Nowhere is not so far away. C'est bon là-bas. Avant, on avait une blanche. C'est bizarre, avant. Voilà, c'était un extrait de l'album Xylophonium Agosis de Hayato et Kekap Tuyul, une suggestion de Simon Roy. J'accueille à l'instant Raymond Poirier qui va nous faire une revue de presse. Bonjour Raymond. Bonjour Julie. Je dis ça comme si c'était une surprise. Tu nous fais une revue de presse, c'est la première fois, puis ça se répétera jamais. Et cette semaine, quelques nouvelles. On commence du côté de Montréal, notamment le Musée d'art contemporain de Montréal qui renouvelle sa vision stratégique. Pourquoi? Parce que on l'imagine, l'actuelle directrice du musée, Paulette Gagnon, a annoncé qu'elle allait quitter ses fonctions le 1er juin prochain. Elle se dit fière d'avoir œuvré comme conservatrice en chef de 92 à 2009, puis comme directrice générale au cours des quatre dernières années. Alors, on parle d'une réorganisation donc de la direction générale, du conseil d'administration également. Donc, tout ça dans l'optique de faire un gros repositionnement stratégique pour répondre aux attentes des diverses clientèles du musée, pour également, on parle beaucoup de coupes dans les institutions muséales, donc pour également repenser son modèle d'affaires face à l'environnement culturel actuel, face au l'environnement mondial également. Alors, ce sera à suivre, évidemment. Là, on donne pas beaucoup de détails dans ce genre de notule-là, malheureusement. Donc, on sait qu'ils sont en réflexion. On aimerait ça, André, comme patiner. Ou simplement savoir déjà c'est quoi un peu, à quoi ils pensent côté repositionnement, mais j'imagine qu'on aura l'occasion de le découvrir également au fil des prochains mois. Alors voilà pour le premier élément. Sinon, de Montréal, on revient vers Québec avec le Moulin à Images. En fait, une annonce qui a été faite tout récemment qui révèle qu'il y aura un nouveau Moulin à Images cette année. Donc ça, c'est une chose, mais pourquoi on en parle maintenant ici à l'aérospatiale, outre le fait qu'il y a quand même un petit côté art multi dans tout ça, c'est que le Moulin à Images disons, édition 2013 sera un hommage au cinéaste d'animation Norman McLaren. On a eu l'occasion notamment de le voir intégré dans une exposition du côté d'Amel Bruno, rétrospective de l'animation et de... Non, c'était, si je me trompe pas, c'était les liens entre l'art et la musique, une exposition de exactement. Sébastien Hudon. Alors en fait, il y a des ponts également qu'on peut faire de ce côté-là entre les arts visuels et ce qui sera fait là-bas. Donc bien curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont offrir. Mais donc ça a été confirmé, donc un hommage à Norman McLaren tout l'été. Dans le coin du bassin Louise. Et puisqu'on est à Québec, mentionnons également au passage que c'est démarré dans la mesure où là le Musée national des beaux-arts du Québec a procédé la semaine dernière à l'ouverture des soumissions pour la construction du pavillon Pierre Lassonde. Donc ils ont reçu trois offres qui correspondaient à l'appel demandé avec des prix essentiellement similaires par ailleurs. Alors là, ce qui va se passer, c'est que eux ont 90 jours pour choisir leur soumissionnaire. Donc normalement les travaux devraient débuter donc en juin prochain. On parle toujours d'une ouverture pour le nouveau pavillon à l'automne 2015. Alors, on est encore dans les temps, dans les nouveaux temps. Oui, exactement. C'était assez tranquille cette semaine, alors je me suis attardé plutôt à trouver un truc que j'ai trouvé sympathique. Ça arrive de temps en temps qu'on feuillette un peu l'actualité. Regarde ça, tu dis, c'est sympathique. Oui, non, sincèrement, c'est ce que je me suis dit. En fait, je suis tombé là-dessus, c'est dans un hebdo local de Montréal. En fait, le plateau. Et sur le plateau, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que la Société de développement commercial du boulevard Saint-Laurent a décidé d'offrir un projet aux artistes qui auraient envie d'exposer leur art. Donc, l'idée, c'est que sur le boulevard Saint-Laurent, il y a plusieurs locaux qui sont alloués. Et donc, la Société de développement a sorti un budget pour engager des artistes pour créer des œuvres d'art qui vont accompagner les panneaux alloués dans la rue. Donc, ce qui fait qu'on se promènera pas en tant que passant dans une rue au fil des locaux vides, mais qu'au contraire, on va découvrir là une galerie à ciel ouvert, presque sur la rue, où les artistes ont été amenés à explorer des éléments autour du thème alloué, autour de l'espace, évidemment, des vitrines. Intéressant. Alors, c'est quand même intéressant. Il y a des cachets d'associations. Donc, c'est pas un projet où on demande aux gens de faire un petit projet bénévole on the side. Là. C'est vraiment, c'est un réel projet. On parle d'un budget quand même assez restreint. Cela dit, à peu près 15 000 $ mais quand même, il y a de quoi faire. Et donc, l'idée, c'est qu'on va essayer d'amener justement des commerçants et des propriétaires d'immeubles à participer aussi à l'initiative pour l'élargir un peu plus. Et déjà, ben, en fait, les gens... embarque en partie là, en se disant ben peut-être que même ça va amener les gens à venir voir mon immeuble peut-être un peu plus, à découvrir et éventuellement à le louer, parce que quand même les propriétaires visent à louer leur local à terme, mais d'ici là ben il y aura quelques œuvres éphémères. Puis en même temps pour les artistes, je vais faire le jeu mon plate la semaine, ça leur fait une belle vitrine. Exactement. Et là, je regrette qu'on n'ait pas les petits bruits de tching. Mais tu viens de les faire, donc c'était important. De manière humble, évidemment. Et en terminant, en fait, j'avais envie de potiner. On n'a pas pu potiner au début parce qu'on n'avait pas assez d'informations. Fait compensons et potinons légèrement au profit de Massimiliano Gianni, qui est le commissaire de la prochaine Biennale de Venise. On en a parlé un peu, en fait, qui a dévoilé sa programmation il y a de ça quelques semaines. Et évidemment, ben, il y a plein de gens ensuite qui ont des opinions quant à ce qui sera proposé à cette occasion-là. Alors, qu'est-ce qu'en ressort? Eh ben, c'est le journal, en fait, The Art Newspaper, qui a été en sondé quelques-uns, dont certains sous le couvert de l'anonymat, qui disent, ben oui, c'est bien, mais il manque peut-être un peu d'artistes d'Amérique du Sud. C'est ce qui est reproché. On lui dit qu'il porte peut-être un peu trop attention aux artistes européens et américains. On parle de biais dans certains cas. Par contre, en fait, ce qu'on trouve tout particulièrement intéressant de la programmation de cette année, c'est le métissage entre les jeunes artistes et des artistes plus établis, et également des artistes dont on entend peu parler, mais qu'on ramène par la porte de côté pour peut-être nous surprendre. Alors voilà, en fait, vous pourrez découvrir les opinions ainsi que les articles dont on a parlé sur l'aérospatiale.wordpress.com. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et en fin de semaine, ben, c'est le Radioton. D'ailleurs, tu n'animes pas La Vie en BD, mais par contre, tu animes une émission sur... L'histoire de la radio communautaire au Québec. Voilà, où CKRL prend quand même une très bonne place. Clairement. C'est la première, disons-le. Eh bien, merci beaucoup. On s'en va aux pauses audio. On écoute Seashore. Au retour, on discute avec Thierry Arcambossé. Nous sommes de retour à l'aérospatiale. On s'en va à la Galerie Lacerte, puisque Thierry Arcambossé présente l'exposition Une Trail dans le Nowhere. Et il est justement ici avec nous pour en parler. Bonjour Thierry. Allô. Ça va bien? Oui, très bien. Une Trail dans le Nowhere, j'aime bien le titre, mais j'aimerais que tu m'en parles un peu. Le Nowhere, c'est quoi pour toi? C'est le non-sens de la société? Voilà, je te lance. J'aime ton c'est regard. C'est une bonne question, en fait. Puis paradoxalement, j'y ai pas réfléchi tant que ça. Ah non? Non, en fait, oui, je pense que le nowhere, c'est vraiment, carrément, ben, c'est un peu ce que tu dis, là. Je pense que c'est un peu, oui, il y a quelque chose qui est lié à une quête de sens aussi, un peu là-dedans, là. Pose-moi des questions. Ok, je vais te poser des questions, en fait, parce que moi, ce que je regardais ça, puis je voyais, bon, tu sais, tes personnages avec un sac d'épicerie sur la tête dans le bois, un personnage qui est en train de pisser dans un pot de fleurs, je vois une maison qui est en train de brûler, bon, une industrie, une rivière, l'œuvre qui s'appelle Rivière avec l'industrie à côté, puis je me dis, Nowhere, comment moi je le percevais, c'est vraiment comme, c'est un peu la vie actuelle, là, pas de sens, tu sais, on travaille, on consomme, on se divertit, mais au final, on est un peu comme... déconnecté, on est dans ce nowhere-là. Est-ce que tu... plus ou moins? Non, non, non, tout à fait, en fait, là, c'est juste... je pense que j'ai eu une grosse journée aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Mais oui, je pense que en fait, ta perception de la chose est vraiment juste, là. C'est sûr que ce que je peins, je pense que c'est toujours... il y a quand même, tu sais, oui, il y a quelque chose qui tient la quête de sens, puis aussi, comment dire, je sais pas, oui, c'est carrément, c'est un peu, oui, notre façon de vivre, notre mode de vie, puis aussi le sens qu'on donne à tout ça, puis qu'est-ce qu'on réussit à en tirer. Je pense aussi que je parle d'une génération là-dedans, je sais pas exactement la génération qui me suit, qui nous suit, qu'est-ce qu'elle pense aussi de l'univers dans lequel elle vit. Puis vers où elle veut aller. Mais je crois que nous autres, notre génération est un peu laissée au dépourvu. Là, on a pas mal tout écouté du Nirvana étant ouais. jeune, puis on a aimé ça, tu sais. On y voyait même du sens là-dedans, alors qu'il parlait beaucoup de déchéance, puis aussi de sens dans tout ça, l'absurdité de la vie, là, carrément. Fait que c'est sûr que moi, il y a de ça dans mes œuvres. C'est un peu comme ça aussi que je sens le monde dans lequel on vit, là, carrément, je veux dire... Moi, il n'y a pas... la consommation, oui, moi, j'y trouve à quelque part, oui, une certaine satisfaction, mais je veux dire, pas une totale satisfaction, c'est ouais, sûr. Il y a lieu de se questionner, en fait. Là. Assurément, c'est sûr qu'on vit dans un confort là, exceptionnel ici. Puis bon, c'est sûr qu'il m'y a rude épreuve en ce moment. Ouais. On le voit bien, là, le climat est quand même assez incertain, économique. Les États-Unis qui perdent vraiment moi, beaucoup de puissance à quelque part. Donc... Mais il y a de ça aussi, hein, dans ton travail, pas des États-Unis qui perdent la puissance, mais de l'incertitude, du doute. Je lisais aussi sur ta production, puis on disait que tu présentais l'image à la fois banale et terrifiante de notre société. Ouais. Donc, on sent là, toujours devant tes tableaux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer? On sent un peu hésitant. Ben oui, ben en fait c'est ça, j'aime même ça, cet espace de doute là en fait, qu'on sache pas exactement qu'est-ce qui se passe, puis que oui, il y a une tension là, ça, c'est clair là, ça fait partie de mon travail, puis je recherche ça volontairement, mais non en même temps, tu sais, c'est sûr qu'il y a une part d'intuition aussi dans mon imagerie là, tu sais, des fois je pars avec des choses, j'ai comme le flash d'une image, puis à un moment donné je sens que est bonne à mon sens là. Je peux pas la décortiquer moi-même en totalité là. Non, tu pourrais pas dire ce qu'il y avait avant ou après là, tu pourrais pas reconstruire la narration, c'est l'image. Non, ça c'est sûr. Ouais, l'image elle vient comme tu sais, elle me happe, puis il faut comme je la réalise. Des fois, tu sais, je suis vraiment pas sûr, je suis souvent pas sûr en fait de savoir si ça va bien puncher ou non. Mais à un moment donné, c'est comme c'est plus fort que moi là. Fait que c'est ça, tu parlais d'américanité ou... Oui, ben en fait, on a parlé plus ou moins d'américanité, mais ça aussi, ça semble être, en fait, dans le communiqué de la CERT, on dit que tu t'intéresses un peu malgré toi, justement, à l'américanité. Pourquoi malgré toi? Parce que c'est plus fort? Malgré moi, c'est parce que c'est pas moi qui ai écrit le texte. OK. En fait, malgré moi, non, c'est sûr que je m'y intéresse, mais c'est sûr pour moi, c'est pas un sujet, là. Je considère pas traiter d'américanité. C'est sûr, oui, globalement, j'en parle. C'est sûr, c'est à quelque part, je veux dire, les Québécois, on est un peu américains malgré nous, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas juste des influences culturelles, là, non, non, puis l'américanité dépasse aussi les États-Unis en tant que tel. Ben là, oui, c'est ça, la question du territoire, etc., là. Oui, carrément. En tout cas, je t'avais parlé d'histoire, c'est quoi, le banal... Le banal, le terrifiant. Ouais. Enfin, c'est ça aussi que j'aime à quelque part dans mes tableaux, c'est qu'il y a beaucoup de convenus, de conventions quand même, on reconnaît beaucoup de choses, c'est pas une peinture abstraite, c'est extrêmement figuratif, on reconnaît des espaces, des lieux, des décors, mais à quelque part, c'est un peu pour amadouer un peu le spectateur, mais dans le fond, ce qui se passe, c'est beaucoup plus gros d'une certaine manière, c'est oui ouais. Terrifiant, ouais. Ben comme le tableau là, c'est lequel, non, c'est bon là j'oublie le titre, avec le personnage qui a le sac d'IGA sur la tête, il y a la carabine posée à ses pieds, la peinture, puis on dirait qu'il s'apprête à enlacer un arbre. C'est effectivement vraiment troublant là quand on regarde ça, on peut pas dire il y a un sens, mais en même temps moi je regarde puis je me dis il y a une ironie, il y a ouais, une forte même. Ironie là, dans ces tableaux là, ça n'a pas de sens. Ben, ça n'a pas de sens, en tout cas. j'ai fait une joke malgré moi. Oui. Ben, c'est sûr qu'il y a une ironie là-dedans, il y a un sarcasme aussi. Je me prends au sérieux dans mon travail, là, ça c'est sûr. Puis en même temps, je peux pas m'empêcher de rire. Puis de relever de l'absurdité là. Mais est-ce que j'en ris vraiment? Je sais pas. Peut-être un rire jaune. Ouais. Mais oui, il y a une forme d'ironie là-dedans. Puis c'est sûr, ce tableau-là, tu sais, il va chercher quand même... Il y a beaucoup de tension là-dedans, là, des éléments extrêmement connotés. Justement, tu parles du fusil. Puis ce personnage-là, il a le visage carrément couvert par un sac d'épicerie. Fait que c'est sûr, c'est troublant, ce personnage-là. Nous autres, on le voit pas. Mais lui, il y a des trous où les yeux, forcément, il peut nous voir. Puis c'est un peu n'importe qui aussi, cette personne-là. Oui, il oui, extrêmement anonyme. Là. Puis ça me déplaît pas, là, cette idée-là. Là. C'est un peu, je parle peut-être plus aussi à ce moment-là. Ce personnage-là, il est comme dans la nature, il est dans le bois. Mais je parle aussi de notre relation avec la nature. Là. Oui, ben, d'ailleurs, que j'avais perçu assez forte aussi dans Rivière, où, dans le fond, on a une espèce de tableau, je pense, dans des tons de gris, où on a une espèce d'industrie. À gauche, ou une ferme, ou on sait pas trop. Puis tout ce qu'on voit dans la rivière, c'est le reflet de ça, finalement. Alors que, tu sais, on s'imagine un paysage de rivière, tu sais, habituellement, c'est bucolique, c'est champêtre, c'est dégel au printemps, ouais, à la limite, là. ouais, c'est sûr, mais en même temps, cette rivière-là, en fait, c'est la rivière ici à Limoilou, là, je veux dire. J'en vois à chaque jour, c'est même à la lecteur Ariel, quand même, ça nous entoure. Fait que je vois ça à chaque jour, puis ça me fascine quand même. Veux pas, il y a de la nature à proximité, ben d'une certaine manière, là. On parle vraiment... On l'organise. Là. Ouais, on l'organise, ça, c'est sûr. Fait qu'il y a tout ce paradoxe-là que j'aime bien, mais c'est des images, moi, que je vois chaque jour, puis qui me fascinent. Puis la raison pour laquelle on a le reflet, en fait, de la cheminée principale, ce qu'on voit dans l'eau, en fait, c'est le reflet de ce qui est en haut. Mm-hmm. On voit quand même les bâtiments, mais la cheminée, j'arrivais pas à la cadrer dans le tableau, puis à faire cracher la boucane de la cheminée pour que ça punch. Fait que là, je me suis dit, ah ben, crème, il me reste l'espace dans le bas de mon tableau, c'est-à-dire dans l'espace de l'eau. Ben ouais. Fait que la fumée, c'est comme dans le reflet de l'eau, donc elle est dans l'eau, là, carrément. Là. Alors que tu la vois ailleurs, nullement ailleurs dans le tableau. Là. Je trouve ça assez trippant comme effet. Là. Oui, effectivement, alors qu'ici, dans Limoilou, habituellement, on a toujours une grosse colonne de fumée qui nous surplombe. Hein? j'ai envie de parler un peu du côté un peu plus formel de ton travail. J'ai trouvé par rapport à ton exposition précédente, c'était Horizon Captif, je pense que c'était il y a deux ou trois ans chez La Certe. J'ai trouvé que tu t'es comme assagi du côté de la facture. Il y avait des coulisses, il y avait des dégoulineurs un peu plus. Là, on sent que t'es plus dans un travail, sans dire complètement léché, parce qu'on sent des fois que c'est un geste rapide, mais que c'est plus tranquille. Oui. Est-ce que ça se peut? Oui, ça se peut. Ah oui, je pense qu'il y a trois coulisses dans l'expo complet. Fait que oui, la peinture, ça s'agit, mais moi aussi, je m'assagis. Là, tu sais, je passe 35 ans quand même. Fait que je suis plus un artiste de la relève, supposément, en tout cas. Ça a discuté. Ouais, ça a discuté, mais c'est sûr, moi, je m'assagis, puis aussi dans ma façon de percevoir carrément la peinture, puis de la sentir, c'est autre chose. Là. Je veux dire, j'ai un métier aussi, j'ai fait des choix, je fais des choix aussi sans me rendre compte, parce que les coulisses, oui, je m'en suis rendu compte, mais presque après coup. Là. Fait que ma peinture, en fait, oui, c'est lent, il y a toute une lenteur là-dedans. Puis on n'est plus dans l'urgence. Là. Non, on est effectivement. Il y a quand même une urgence parce que je travaille beaucoup, mais tu sais, c'est moins, disons, rapide comme exécution. Puis j'aime cette tranquillité-là, puis prendre le temps de rentrer dans le tableau aussi, puis tu sais, de rentrer avec la peinture, puis mieux la comprendre aussi. Là. C'est vraiment, oui, il y a plus d'analyse, je te dirais, oui. Je me positionne de loin par rapport au tableau. Là. Puis en même temps, une chose que j'ai observée par rapport à la peinture, c'est les couleurs aussi. On sait qu'on reste un peu dans le même genre de palette, des pourpres, tu sais, des turquoises, ou des gris, des verts. Mais dans ce cas-ci, on dirait qu'on est plus dans le désaturé. Même, c'est comme si la palette aussi, elle s'était assagie. Oui. Oh oui, hein, là, c'est le tableau qui punch, là, c'est l'avion avec ses jaunes puis ses orangés. J'avais besoin de ça aussi pour l'hiver. Là. Ouais. C'est un tableau de mois de février. Mais oui, je regardais mes tableaux, d'ailleurs, je suis allé hier à la galerie. Puis c'est sûr que les couleurs reviennent beaucoup là, d'un tableau à l'autre. Là. Mais ce que j'ai fait aussi, il y avait même des défis que je m'étais lancé là-dedans, entre autres dans la série de maisons qui explosent, ouais. Les trois tableaux. Vanishing House, ouais, c'est fait avec trois couleurs seulement. Là. Ah ouais, plus quand du même, noir, hein? Plus du blanc, là, quand même. Mais essentiellement, c'est trois couleurs. Fait que vraiment, si la palette se désature puis qu'on a l'impression d'être plus dans les gris, il y a quand même, il faut se dire, une infinité de couleurs. Paradoxalement, je n'ai jamais mis autant de couleurs dans un tableau. Dans le sens, c'est vraiment bourré de nuances, là. Et on parle de couleurs, t'as parlé du jaune, justement, dans Avion, mais moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans plusieurs tableaux, ce jaune-là, en fait, qui vient contraster, que des fois, c'est à peine des petits traits de jaune, d'autres fois, c'est des peaux qui dégoulinent. Est-ce qu'il y a comme une portée pour toi, ce jaune-là? Il agit, moi, je le voyais comme un élément perturbateur, un peu. Oui, peut-être perturbateur, mais aussi, je pense, des fois, je pense que c'est un besoin de donner un kick dans la composition aussi, dans le tableau. Je pense que j'ai utilisé l'année dernière beaucoup de couleurs froides, puis je trouve que j'allais chercher quand même une richesse puis même une chaleur dans ces couleurs-là. Mais le jaune ou l'oranger, je crois pas moi, l'utiliser comme quelque chose pour perturber, en fait. C'est plus comme un besoin de venir ponctuer à la limite. Oui, ponctuer la composition, donner comme... Ouais. Du cœur, là, un peu plus de punch, là, un élément punchant. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, si tout le tableau est presque bleu, puis tout ça, cet élément-là va donner un effet particulier, là. Je termine avec une dernière question. En fait, c'est un dessin. Un dessin inspiré d'Innocent X qui a été fait à la base par Rembrandt, qui a été repris par Francis Bacon. Tu te situes un peu? Ce sont des influences? Tu avais envie de t'essayer sur cette image-là? Ouf! Ouais, je sais pas, c'est juste moi, ça fait des années que je dessine, j'étais un fan de dessin, puis j'avais envie de faire du dessin pour du dessin aussi. Fait que j'allais un peu de façon classique carrément, ou à l'époque, pour apprendre, tu copiais les maîtres, ouais, en fait, ouais. Puis même les dessins de maître avant de prendre un pinceau. Fait que c'est peut-être un peu pour ça que j'allais chercher là chez les maîtres, mais c'est sûr, tu sais, ces livres-là, je les ai parcourus, puis j'en ai des livres de Velázquez, etc. à la maison. Fait que j'aime tout le temps ça, les feuilleter. Puis c'est sûr que oui, c'est Velázquez, c'est pas Rembrandt. Ouais, c'est pas grave. Mon Dieu! J'ai eu un moment de c'est de pas grave. Puis c'est sûr, Francis Bacon, mais c'est il a une importance considérable dans l'histoire, puis moi, c'est un peintre que j'adore. Là. Sûrement, c'est comme, hein? Aïe, aïe. Quand on parle de troubles aussi, là, ouais, dans oui, l'art. Oui, c'est sûr, hein, on s'en rejoint, là. Vraiment, là, on est quand même... Il y a une grande distance entre nos deux. Tu parlais de ma peinture qui s'assagit d'une certaine manière. Là. On traite pas la peinture de la même façon, mais non. Je pense fondamentalement, il y a quelque chose qui tiraille à la même place. Là. Effectivement. Ben, Thierry Arcambossé, merci beaucoup. Donc, ton vas-y. Exposition, Une trail dans le nowhere, est présentée à la Galerie Lacerte. Ça se termine le 6 avril, hein, je crois. Le 6 7, ou le 7? Dimanche, en tout cas. Dimanche. Bon, voilà. Allons-y. Donc, vous avez jusqu'à dimanche. Ça vaut la peine d'aller faire un tour dans le quartier. On s'en va en pause et au retour, on discute avec Catherine Boivin. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulezard.com. Le 4 avril se tiendra le tout premier cocktail bénéfice de l'histoire de CKRL à l'hôtel Château-Laurier. Cette soirée donnera le coup d'envoi à la grande fin de semaine du Radioton annuel. La soirée bénéfice est au coût de 125 $. L'orchestre Dom Orchestre vous en mettra plein la vue et vous pourrez participer à notre encan silencieux. Pour vous procurer vos billets, rendez-vous sur notre site. Les événements entourant les festivités du 40e anniversaire de CKRL sont rendus possibles grâce à la participation financière du ministre de la Culture et des Communications du Québec, M. Makakoto, de la ministre responsable de la capitale nationale, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre du Travail et de la Condition féminine, Mme Agnès Maltais, du député fédéral de Beauport-Limoilou, M. Raymond Côté, du Centre local de développement de Québec, de la Caisse d'économie solidaire des Jardins, de Télé-Québec, de la Caisse de Limoilou, de la SEDEC et du député de Jean Lesage, M. André Drolet. En 2013, CKRL a 40 ans. Et c'est grâce à vous. La Barberie est heureuse de souligner à sa façon les 40 ans de CKRL. Écoutez, mes bons amis, la chanson que je vais vous chanter, c'est à propos du radio. Je vais tout vous raconter. En 1973, dans une université, il y a des petits jeunes qui ont pensé qu'une radio, c'est une bonne idée. À cette heure, en 2013, est arrivé à maturité. C'est une belle grande radio qui fait toujours notre fierté. La Barberie est fière complice de CKRL depuis 15 ans. Aimez-vous les sujets suivants? Le cinéma, la musique, les jeux vidéo, les animés, les séries télé, les mangas, l'internet en général, les gadgets techno, les dragons, les ninjas, les lasers, les pieuvres, les ninjas chevauchant des dragons pieuvres armés de lasers. Eh bien, réjouissez-vous! Les Geeks Contre-Attaque aiment aussi beaucoup ces sujets. Ils les aiment tellement qu'ils vous en parlent tous les dimanches de midi à 13h. Une heure de culture geek, d'actualité pertinente et de sens de l'humour questionnable seulement sur les ondes de CKRL 89.1. Quoi demander de plus? Hein? On peut se demander de plus? Ce soir à CKRL, de 22h à minuit, c'est l'émission Fréquence, le rock de A à Z des années 60 à aujourd'hui, animé par François Thériault et Martin Anger. Et à minuit, c'est Federation Invasion, le dance hall new-yorkais au sommet. Bonne soirée sur le 89.1. Écoutez toujours l'aérospatiale. On entame la deuxième et dernière demi-heure de l'émission. D'ailleurs, si vous voulez écouter l'émission en balado-diffusion, vous en avez perdu un bout, vous voulez réécouter un moment particulièrement savoureux, comme la bonne blague que j'ai fait à Thierry Arcabossé, sans m'en rendre compte tout à l'heure, vous allez sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Il y a des liens pour le téléchargement des articles, des pièces que nous propose Simon Roy, des liens aussi pour lire les articles de la revue de presse de Raymond Poirier, des communiqués de presse, etc. Bref, un beau site Internet bien fourni. Cela étant dit, j'accueille Catherine Boivin. Bonjour Catherine. Bonjour Julie. T'es allée à la maison Amel Bruno en fin de semaine? Oui, en fait, au début du congé pascal, un jeudi après-midi, et puis j'avais l'espace à moi seule parce que c'était en plein après-midi. Je suis allée avec mon enfant aussi qui a bientôt 11 ans, alors parce que ben c'est quand même la thématique quand l'art se prête au jeu, donc la thématique du jeu, de tout ce qui peut être ludique en art. Et disons que faut faire attention un petit peu parce qu'il y a des œuvres qui sont un peu percutantes là, qui sont oui amusantes, mais avec un propos quand même assez dur, hein, c'est ce que je pourrais dire d'entrée de jeu. Assez dur, je dirais même, c'est un euphémisme, hein? Très, très dur. Oui, hein. OK, ben là, des fois, on se demande si c'est sa propre lecture ou quoi, mais je vais y revenir. Je dirais que ce qui est plaisant, vraiment, c'est le collectif. Hein? Une exposition collective, c'est toujours, moi, c'est comme un album collectif, hein? C'est une occasion de découverte de l'art contemporain. Je trouve qu'il y a une belle proposition, d'une belle variété, parce qu'on a sculpture, une œuvre vidéo, on a des installations et de la photographie aussi, donc ça prend quand même une bonne place dans l'ensemble, la photo. Il y a des œuvres interactives aussi. Oui, bien sûr, oui, absolument, des installatives et interactives, absolument. Donc, ça donne un petit panorama, en fait, de ce qui se fait pour l'art contemporain, puisque c'est quand même un lieu aussi, pas nécessairement spécialisé, la maison Amel Bruno, mais ça a vraiment un appel à un public plus large. Ceci étant dit, je dirais peut-être il y a l'aspect bien sûr ludique, hein. Déjà on est sollicité par des œuvres qui sont colorées. On a des artistes de Québec qu'on connaît un peu plus, comme Diane Landry, qui propose une espèce de petite installation qui s'active quand on passe vis-à-vis, là, un mécanisme qui fait rouler un livre sur lui-même. Le livre a été trafiqué avec des pages, avec des photos, des images, et puis ça tourne sur lui-même et ça fait avancer les pages. Une espèce de mécanisme propre au travail là, de Diane Landry. Oui, je pense qu'on appelle ça des flipbooks, hein, c'est ça? Un flipbook, mais qui est comme un peu au ralenti. Ouais. Là, et c'est ça. Puis ça, on est dans l'esprit de l'art cinétique. Avec cette œuvre. Il y a aussi, dans l'idée de la sculpture, je dirais, il y a une sculpture assez prenante qui prend quasiment toute une pièce, une œuvre installative de Karine Payette de Montréal. Alors, on a quelques artistes de Québec, d'autres de Montréal et du Canada anglais. Je la connaissais pas, Karine Payette, qui nous offre une espèce de sculpture toute amoncellement d'objets de mobilier qu'on retrouverait dans la maison, une petite table de nuit, petite chaise de salon, mais tout ça empilé comme pour faire une tour, mais toujours sur deux ou trois ou une patte seulement. Et tout ça est mis en équilibre extrêmement précaire. Et non seulement ça, mais c'est mis sur une espèce de faux plancher, là, d'un petit morceau de plancher, et ça tourne sur lui-même, donc comme en exposition. Mais aussi, tout l'espace est occupé par des jouets, des blocs, comme si on aurait laissé une salle de jeu en plan. Donc, comme si, en fait, des enfants avaient monté une pile de blocs. T'sais, c'est aussi précaire qu'une pile de blocs qu'un enfant de 2 ans peut monter au final. Oui, l'idée du jeu, justement, le jeu avec le mobilier où on empile dans un salon les coussins, les couvertes, les meubles est assez évoquée. Mais bien sûr, c'est tellement, ça se peut tellement pas comment ça tient, là. C'est assez magnifique et c'est très, très haut. Enfin, il y a un côté assez ludique aussi, mais on évoque quand même un côté sombre, hein, parce que bon, on sent l'idée de la précarité, là, de tout peut basculer à tout moment. Et ce qui va, le côté du jeu, ben, est un petit peu atténué quand même, parce que assez rapidement, on se rend compte qu'on est dans un univers de jeu où il y a des enfants qui jouent à des jeux qui sont quand même malsains. Alors, je pense ici au travail de Jonathan Hobbin, qui nous propose des photographies assez, c'est probablement parmi les plus dures, où on est carrément dans la chambre d'enfants, avec des enfants qui s'amusent, mais qui s'amusent, dans le fond, à reproduire des grandes tragédies de l'histoire contemporaine. Par exemple, la plus évidente, et celle qui aura marqué mon enfant en plus, c'est deux enfants qui jouent avec les twins, les deux tours jumelles du World Trade Center. Et puis la référence est assez facile à saisir, hein? C'est assez directement. Donc il y a comme une perte de naïveté de l'enfance là qui nous saute aux yeux. Disons qu'on aurait payé, il y a plusieurs œuvres de ce photographe qui donne, je dirais, beaucoup, qui prennent la place et qui donnent le ton un petit peu à cette exposition. Mais ces œuvres-là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce sont des leurs, parce que quand on regarde de prime abord, on regarde la photo, c'est des enfants, c'est coloré, il y a tout le vocabulaire enfantin, justement, la couleur, la naïveté, une certaine candeur aussi, puis on est tout de suite attiré. Oui. Par ces photographies-là, et là, paf! Oui. La vérité nous éclate en pleine face, parce que celle du World Trade Center est la plus évidente. Oui, absolument. Mais il y en a d'autres qu'on peut, si on pose des questions aux gens à la maison à Mel Bruno, ils sont informés de quel événement, en tout cas, à quel événement ça réfère. Et là, soudainement, tu sais, on sait qu'il y a déjà un trouble, mais là, ça ajoute. C'est ça, ou c'est plus caché, puis c'est peut-être pas connu tout à fait directement, là, parce qu'ils trafiquent un peu les titres parfois aussi pour pas donner la réponse directement aussi. Puis il y a des choses qui sont plus anciennes, là, où il y a une petite fille qui est habillée, comme en infirmière, un peu en blanc, comme si on voulait jouer à la garde malade, puis elle a un gros pot de Kool-Aid dans les mains, et il y a plein de poupées mortes autour d'elle, dans le fond. Et ça s'appelle White Knight's Kool-Aid, et ça fait référence au célèbre suicide collectif qu'il y avait eu là, avec une espèce de... C'est ça, un gourou aux États-Unis. Là, qui avait, David Koresh ou quelque chose. Je me rappelais plus du nom, je voulais savoir avec la référence à White si c'était en lien. J'ai pas poursuivi la référence, mais alors ça peut être très loin. Alors c'est pas tout le monde nécessairement qui a la référence pour comprendre. Puis on demeure dans le jeu, mais avec les petites poupées mortes, on comprend quand même le malaise, hein, assez rapidement. Donc c'est à travers ces œuvres qui sont inspirés par le jeu, par l'univers de l'enfance, les personnages, hein, on a des petites figurines. Alors on a une critique sociale assez vive, assez grinçante aussi, hein, assez présente aussi dans l'art contemporain. Et moi je trouve que ça connote quand même beaucoup l'exposition, puisque ces œuvres-là sont fortes. Tandis qu'on a Fanny Giguère avec son installation vidéographique qui nous présente une splendide film de bord de grève, là. C'est un jeu d'enfance pour plusieurs enfants québécois, cet espace Je suis ici, là, où à certains moments il y a des figures qui apparaissent dans l'image, mais qui disparaissent aussitôt. C'est nous qui les activons, ces figures-là, tu savais? C'est mon fils qui l'a réussi à l'activer. Je pense que je l'ai manqué là, quelques reprises, mais toujours est-il que c'est quand même... Là, on n'est pas dans le même niveau de commentaire. Hein, on n'est pas nécessairement dans le grinçant et dans le cynisme, non. Là, ici. Et moi, je trouve que Il y a une douceur, heureusement, en fait, qui heureusement, fait là, qu'il y a quelques œuvres comme ça qui nous amènent pas nécessairement à finalement un peu abolir l'univers de la naïveté de l'enfance, là, parce que il y a cet aspect-là qui moi me semblait assez fort. J'ai quand même fait des belles découvertes. Il y a des artistes, entre autres Jonathan Aubin de Ottawa dont j'ai parlé. Il y a Diana Thornycroft de Winnipeg, oui, qui a toute une série d'œuvres, là, extrêmement colorées, toutes créées à partir de petites figurines des personnages, dont Blanche-Neige et les Sept Nains pour une des œuvres. Elle se sert aussi beaucoup de l'histoire du Canada, de l'histoire de l'art du Canada. Elle fait toute une série sur le groupe des Sept. Oui. Elle se sert d'images du groupe des Sept comme fond. Et elle vient faire une installation avec ces petites figurines-là qui rappellent en fait l'univers populaire, la culture populaire de Walt Disney, mais aussi... je dirais notre rapport à l'histoire canadienne, enfin l'arrivée des hommes blancs sur le territoire amérindien et tout ça. Alors c'est assez chouette là, comme découverte ça aussi, mais encore une fois souvent graissant, ouais, et souvent assez cynique. Alors on peut y aller avec les enfants, mais il faut pas avoir trop de références avec les enfants et un peu de pédagogie. Oui, tout à fait, parce que peut-être qu'il serait intéressant de finaliser cette intervention en disant que il y a de l'animation familiale qui va avoir lieu à la maison Amel Bruno le samedi 27 avril. La Joujouthèque de Sainte-Foy propose une animation à caractère familial. Donc il y a des moments où on peut y aller en famille là, et ils vont faire ça dans une maison derrière, là, une espèce de dépendance derrière la maison Amel Bruno pour les enfants de 6 mois à 6 ans. Quand même. Oui, c'est vraiment. Où on va, il va y avoir des zones créatives là, pour essayer le dessin, les fresques de jouets, de la musique, toutes sortes d'événements comme ça. Et il y a une rencontre causerie le samedi 4 mai. Un psychopédagogue, donc, qui va parler du jeu aussi. Donc, exposition qui se poursuit jusqu'au 26 mai à la maison Amel Bruno. Je dirais vraiment, malgré mes petites réserves, que ça vaut vraiment le coup. Belle découverte à faire. Mais Catherine Boivin, merci beaucoup. C'est un plaisir. On s'en va en pause audio. On écoute In the Hands of a Headless Doll. Ça tombe tout à fait à propos. D'entendre un extrait de l'album Xylophonium Argosis de Hayato et Kekap Tuyul, une suggestion de Simon Roy. On s'en va de l'autre côté du fleuve, tout juste en fait à la sortie du traversier à la galerie Regard, où on peut voir l'exposition Chair et vérité de Dominique Papillon. Bonjour Dominique. Salut. J'ai la question qui, la question parfois difficile pour commencer une entrevue, mais j'aime bien la poser. C'est est-ce que c'est possible de commencer en nous présentant l'exposition de manière très très générale là? Oui, oui. Ben, c'est une exposition de sculpture en fait. Hein. Donc c'est la sculpture contemporaine. Puis c'est un projet que j'ai initié il y a environ un an et demi et qui s'appelle Chair et Vérité. Donc c'est une série de sculptures qui sont reliées par une thématique là qui tourne autour du finalement de l'art baroque des églises chrétiennes, mais qui sont tout à fait fantaisistes en fait en même temps. Donc ce sont des, je crois que c'est une dizaine d'œuvres qui sont reliées formellement et au niveau de la thématique aussi. Et ce sont des œuvres justement qui réfèrent un peu au baroque, tu disais, mais quand même, on est vraiment dans une interprétation parce que formellement, on regarde pas ça et on reconnaît pas le vocabulaire baroque directement. Oui. Oui, c'est ça, effectivement. C'est pas simplement une reprise formelle du baroque. C'est une, comment dire, je suis parti de motifs typiquement baroques, de représentation de sculpturale baroque, pour ensuite m'amuser, puis créer des, comme on dit, des propositions contemporaines, là, plus sous le comment dire, sous la perspective humoriste et ludique. Oui, c'est ça, parce que quand même, on sent qu'il y a des petits... il y a quelque chose, justement, j'ai perdu mon idée, là, mais je pensais ludique, en fait, une des œuvres, je me rappelle pas le titre, avec les bouts de bois qui percent, par exemple, une matière qui ressemble à du foam ou les matériaux aussi. On sent qu'il y a vraiment un jeu avec la matière. Oui, effectivement, j'aime bien comme ça faire créer des amalgames de matériaux, parce que je trouve ça riche pour le regard, tu sais, c'est quelque chose qui est intéressant pour moi et j'espère pour le spectateur, là, tout simplement à contempler, à découvrir, mais aussi parce que c'est souvent des matériaux, je trouve, qui ont une référence, certains d'entre eux en tout cas, ont une connotation là, jouet, objet plutôt, production de masse, je dirais, là, des objets de série, hein, avec un fini industrialisé dans certains cas, mais dans d'autres cas, beaucoup plus artisanal. Donc, il y a un petit peu des deux, là. Puis c'est intéressant parce qu'on n'est absolument pas dans les matériaux nobles tels qu'ils étaient préconisés, par exemple, au 17e siècle. Oui, non, c'est ça, effectivement. Je disais, mis à part peut-être quelques... Il y a une œuvre en particulier qui est comme vraiment plus au niveau statuesque, si on veut, là. Elle est blanche, blanc immaculé et tout ça. Mais sinon, de façon générale, il y a un petit côté négligé, là, sale, un petit peu... on disait ça, j'ai oublié le mot, mais des fois il y a quelque chose, il y a quelque chose un peu, tu sais, ça réfère à la chair humaine aussi, on sent ça avec, bon, certains moulages, puis ça a un caractère, à la limite, on en parle dans le communiqué aussi, chez Regard, un côté un peu grotesque. Oui, effectivement, c'est mon nouveau mot préféré, grotesque. Ah ouais? Je trouve que c'est vraiment dans cette direction-là mon travail en ligne, là, c'est vraiment cette expo-là est un, comment dire, un geste, pas un geste, mais c'est clairement c'est beaucoup plus clair dans cette exposition-là, cette notion-là de grotesque dans mon travail. Oui, effectivement, il y a cet aspect-là à la fois ridicule, je sais pas si c'est repoussant, mais c'est définitivement un petit peu glauque, maladroit par endroit, mais en même temps comique. Donc, il y a cette espèce d'ambiguïté-là entre le côté étrange et glauque et ridicule, je dirais. Entre attraction et répulsion aussi, dans une certaine mesure. Oui, oui. Voyons, excusez, j'ai perdu ma question. En fait, le titre « Chair et vérité », j'ai envie qu'on en parle parce que ça sonne... Déjà, le fait de mettre le mot « vérité » dans un titre, ça donne un caractère assez pompeux. Oui, exactement. Bref, comment je peux dire ça? Tout ça, c'est un petit peu de fil en aiguille, j'en souvenais, ce titre-là, parce que je fais penser, entre autres, à l'une des sources d'inspiration principales de mon travail de départ. C'était une structure qui s'appelle parfois Chair de vérité. C'est avant l'avenue, hein, des microphones et des haut-parleurs. L'homme de religion se perchait dans cette espèce de baldaquin-là pour prêcher à la plèbe. On les voit encore dans les églises, hein, ces habitacles-là sur les escaliers là, qui sont hauts. Souvent, comme donc, à, si je me trompe pas, c'est à la gauche là, de à l'église. À la gauche, avant plus ou moins au centre de l'église pour que tout le monde puisse voir et entendre. Donc, c'était mon point de départ, cet élément-là qui est parfois assez spectaculaire dans certaines églises de la Renaissance baroque. Donc, c'est comme vraiment une espèce de, comme on fait juste penser à Bernini, Chose qu'il a fait. Bref. Ça s'appelait chair de vérité dans certains cas, puis donc j'ai chair comme une chaire de professeur. Moi, j'ai simplement fait une espèce de petit jeu de mots avec le monyme chair, comme carnet. Et puis le mot vérité pour moi, c'est ça, me semblait tout à fait inapproprié dans un titre d'une œuvre d'art ou d'une expo. Puis, je trouvais ça pompeux, donc ça m'a amusé, ça m'a plu. J'ai décidé de donner ce titre-là parce que, un peu comme certains ouvrages, mettons un ouvrage typique de philosophie classique qui dirait de la vérité ou espèce de titre-là, vraiment grandiloquent, là. Fait qu'on est vraiment dans l'ordre du pied de nez. Un petit peu, ouais, c'est ça. C'est un peu ça, tu sais, ça reprend le thème du monument, mais de l'élément, c'est l'élément sculptural qui glorifie une idée, un personnage, une histoire, une croyance, bref. Alors que là, on est comme plus ou moins là-dedans, visuellement, à tout le moins. Oui, c'est ça. C'est sûr que j'ai pas prétention d'avoir des sculptures d'une aussi grande. C'est pas ça le but, là, d'avoir quelque chose d'aussi imposant que certaines œuvres baroques dans les églises. Mais l'idée, c'est simplement de reprendre à une échelle plus modeste et de jouer un peu sur le pied de nez, l'humour, jouer avec ce langage-là. Tu parles de ton exposition comme étant une exposition de sculpture, mais on sent quand même, bon, tu parlais aussi tout à l'heure d'un dialogue formel entre les œuvres, on sent que ça forme un tout aussi, là. Il y a quand même des citations entre les œuvres. Oui, c'est ça. Ben, je suis bien content si les gens voient une certaine synergie ou une connexion plus que formelle entre les œuvres. Parce que Ils ont été un petit peu créés dans cet esprit-là, hein, mais elles sont indépendantes, mais effectivement, elles se recoupent, elles se répondent de toutes sortes de façons, là, au niveau de la texture, des matériaux, des couleurs, des procédés aussi, parce que j'ai lu que tu avais utilisé des machines à pâte pour faire des pâtes alimentaires. Mm-hmm. Oui, j'ai dans certains cas, dans plus qu'une sculpture, je crois deux, j'ai utilisé une machine à pâte, puis j'ai fait des... En fait, j'ai moulé ça, là, mais j'ai fait mon prototype avec des fettuccini en plasticine. Puis j'ai joué avec ça pour créer quelque chose de vraiment pléthorique, là, de un petit peu justement là, comme le rococo, comme on retrouve des fois dans l'art rococo, là, où il y a une espèce de surenchère visuelle au niveau du végétal, puis de l'ornement. Puis, quelque chose aussi, moi, qui m'a frappé quand j'ai regardé l'exposition, c'est que je me suis dit que tu avais l'air vraiment d'apprécier, d'expérimenter. En fait, on parlait des matières en tant que telles, mais les procédés. Mm-hmm. Comme si tu avais l'air constamment à la recherche d'une nouvelle idée, une nouvelle manière de travailler la matière. Mm-hmm. Bien, en fait, ouais, c'est ça. C'est que j'ai un goût depuis toujours là, pour justement essayer des nouvelles combinaisons, technique, mais au niveau des matériaux, c'est de voir les résultats des fois très heureux entre combinaison de certains matériaux, certains procédés. Peut-être aussi parce que pour moi, je préfère avoir un ensemble avec pas hétéroclite, mais comme on dit, varié au niveau technique, là, mais au niveau texture, rendu et tout ça. Puis je me vois juste pas faire des variations comme certains artistes vont vraiment aller dans la subtilité, tu sais, formelle. Une œuvre à l'autre, il y a une variation subtile, puis ils explorent ça à fond. Puis souvent aussi, quand j'ai pas d'idée de préconçue, hein, je fais simplement, jouer avec la matière, puis il y a quelque chose qui apparaît. C'est vraiment par là que ça commence, en fait. Hein. Surtout en sculpture. Oui, c'est ça, surtout en sculpture. C'est, l'idée, souvent vient après. Eh bien, Dominique Papillon, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans l'exposition Chair et vérité est présentée à Regard jusqu'au 21 avril. On s'en va en courte pause en écoute de Sun Come Pier sur les ondes de CKRL. Est-ce le même jour? Il ne sait plus. Ils vont faire comme cela une infinité de promenades semblables où se creusera entre eux une confiance muette, une confiance à l'état pur, sans souvenir, sans projet. Ceci est l'histoire d'un âme marquée par une image d'enfance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté qu'au bout de la jetée, et un visage de femme. Voilà, c'était un extrait de la pièce de Sunken Pier. Les fans de la nouvelle vague française reconnaîtront une citation au film La Jetée de, si je ne me trompe pas, de Chris Marker. Voilà, c'était mon lien de la semaine. En terminant l'émission, c'est pas facile. Je vous invite à quelques événements. Vous savez, c'est le Radioton de CKRL en fin de semaine. La station célèbre son 40e anniversaire. C'est quand même, c'est pas peu dire. C'est la première station de radio communautaire au monde. Ça non plus, c'est pas peu dire. Donc, si vous voulez encourager CKRL, vous pouvez acheter des lots à l'encan, également faire des dons et tout ça. Et puis, ben, si vous avez envie de nous écouter, je serai là dimanche 7 avril à 15h pour animer l'émission Une table ronde sur 40 ans d'art visuel à Québec. Également, les vernissages jeudi, Natalia Petkova à la Galerie des arts visuels. Vendredi, Gabriel Offel à la bande vidéo. Et vendredi, c'est la nuit de la création thématique des 500 au Musée national des beaux-arts du Québec. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je remercie Jacques Gignac, mes invités, mes collaborateurs, et je vous laisse avec Gilles Chaumel et son émission Folk d'Amérique.